cours numéro 28. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walah amma ba'd. Qala al-Shaykh al-Allama Hamoud al-Twijri, rahmatullah alayhi, wa qala al-Imam al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Abu Muhammad al-Barbahari, rahimahullah, rahimahullah ta'ala fi sharh al-Sunnah. هذا الكتاب كذلك سي رساله مختصره طيبه اي سي اون ريفيرونس في هذا الباب اي في بيان حال اهل البدع والضلال الامام البربهاري من ائمه السنه il a écrit ce livre شرح السنه c'est une رساله مختصره il a cité quelques athar à la fin de la risala et les savants contemporains wallahi alhamd souvent, il l'explique. Et il y a beaucoup d'explications de savants qui ont été propagées. Walillahi alhamd. Qala Sufyan al-Thawri, man asgha bi'udhunihi ila sahib bid'atin kharaja 'an 'ismatillahi ta'ala wa wukila ilayha ya'ni al-bid'a. On est toujours fi hadha al-bab an-nafis et al-a'imma rahmatullah alayh. Ils ont beaucoup mis en garde contre Al-Bid'a et كذلك ceux qui propagent Al-Bid'a et l'innovation. فَمَنْ أَصْغَى بِأُذُنِهِ لَصَاحِبْ بِدْعَ خَرَجَ مِنْ عِصْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى أي قد ينحرف السنة والقرآن bien sûr le fait d'étudier, de mettre en application, de suivre et de rester en compagnie, de fréquenter أهل الحق بإذن الله عز وجل l'insan il est préservé. Et il n'est pas à l'abri, bien sûr, de fautes, d'erreurs. Lakin, c'est un sabab azim. Mais celui qui tend l'oreille à un moubtadi'a, là, chacun d'entre nous s'expose à l'égarement. Et pourquoi il tendrait l'oreille à un munharif? Al-ilm, ils ne sont pas hawl al-ilm. Al-moubtadi'a, ils ne sont pas hawl al-ilm. Leur but, ce n'est pas la science. Abadan. Même s'ils ont du ilm, le ilm qu'ils ont, il est inda ahl al-sunnah. Donc, tu n'as pas besoin de leur ilm, même s'ils en ont. فَبَقِيَ مَذَا بَقِيَ la curiosité, كَذَلِك le fait de vouloir se montrer, et celui qui défend son nefs, il défend plus sunnah, il défend son nefs. هَذَا نَعَمْ il va écouter, il va vouloir se mélanger. كَذَلِك celui qui a des doutes, celui qui a des doutes, mais celui qui est sûr annahu il est ala haqq, il suit le Coran ou le Sunnah, il n'a pas besoin d'aller les écouter. Amma ba'dannas, ils ont des doutes. Enfin, ils veulent écouter, ces doutes. Si tu rajoutes le fait d'écouter le mubtadi', iyadan billah, toutes les causes elles sont réunies pour s'égarer. Fal hadar. Al hadar. L'insan, il fait attention, il préserve hadhihi an-ni'ma al-'azima ay son din. Wa qala Daoud ibn Abi Hind, awha Allah ila Musa ibn Imran alayhi as-salatu was-salam la tujalis ahl al-bid'ah فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون لأكبنك في النار أو في نار جهنم. نعم. Pour bien lire al-kalima, faut pas oublier que le début أوحى الله إلى موسى. أي c'est من كلام الله. D'après cette narration, وإلا هذا فيه نظر لأن داود بن أبي هند il a rapporté أوحى الله إلى موسى. فلا بد ان اسناد entre lui et Moussa il y a des générations et des générations. فالله اعلم بهذا. الشيخ نجمي رحمه الله عليه في شرحه على شرح السنه للامام البربهاري قال هذا القول فيه مبالغه. هذا قول فيه مبالغه. لماذا؟ لان قال لا تجالس اهل البدع فان جالستهم فحك في صدرك شيء. Si tu écoutes un mubtadi' dans ton cœur tu sens une petite chose, tu seras jeté en enfer. قال الشيخ نجمي هذا فيه مبالغة. قال ولعله مما أخذ من التوراة. نعم. أو نعم بعض الإسرائيليات. على كل حال هذا لا يعتمد عليه. Y a pas de isnad. كذلك المتن. Le texte فيه ما فيه. قال وقال الفضيل بن عياض رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة لم يؤت الحكمة. Celui qui s'assoit avec un mubtadi' lam yu'ta al-hikma. Qala Cheikh al-Fawzan, hafidahu Allah ta'ala, on peut citer son kalam, il a un sharh jamil على شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وهكذا الشيخ نجمي رحمه الله. Le شرح de الشيخ نجمي il est beaucoup plus résumé. فقال الشيخ الفوزان الحكمة هي الفقه في دين الله. فالذي يجالس أهل البدع يحرم من الفقه عقوبة له. الحكمة c'est الفقه في الدين. أي c'est العلم. Al-hikmah, c'est fondé sur l'ilm. Parce que celui qui fréquente al-mubtadi'a, il ne pourra pas apprendre. Bel, al-uquba, sa punition, son châtiment, c'est qu'il ne pourra pas apprendre et comprendre. Même s'il a certaines connaissances, ça sera fondé sur les doutes, sur les ambiguïtés. Et, kadhalik, sur l'égarement. Iyadam billah. Famin asbab al-ilm, pour acquérir al-ilm, c'est مجالسة أهل السنة. قال وقال أيضا أي الفضيل رحمة الله عليه من أئمة السنة من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. Celui qui عظم صاحب بدعة lui donne de l'importance et il l'élève au-dessus de sa place فقد أعان على هدم الإسلام. صحيح لماذا؟ لأن كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله لأن البدعة ضد الإسلام. الإسلام c'est fondé sur le Coran et la Sunna, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète عليه الصلاة والسلام. البدعة c'est quelque chose d'inventé. فالسلوي كي عظم البدعة فالحقيقة il donne de la valeur à une chose qui contredit l'Islam. Et c'est pour ça que l'époque où qu'on vit dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, l'Islam الإسلام plutôt المسلمون ils sont ضعفاء. أما الإسلام c'est دين الله سبحانه وتعالى. C'est la religion d'Allah سبحانه وتعالى. لكن c'est les musulmans qui sont devenus faibles. لماذا؟ لأنهم يدون de l'importance à أهل البدع dans beaucoup d'endroits. بل dans des endroits الزنادقة des روافض des صوفية des مجرمون. مجرمون بعضهم ils ont rien à voir avec الدين et ils leur donnent de l'importance. Ça, c'est une des causes que les musulmans, ils ont faibli. وَمَنْ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ مُبْتَدِعْ فَقَدْ إِسْتَخَفَّ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. قال الشيخ الفوزان فَإِنَّهُ يَكُونَ قَدْ خَالَفَ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ هَجْرِهِمْ وَبُغْضِهِمْ. فَقَوْلُهُ وَمَنْ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ مُبْتَدِعْ. Celui qui sourit à un innovateur, ça montre ce sourire, أنه il est فراحة, أنه il accepte ce qu'il fait. Il est d'accord. Quand tu n'aimes pas une personne, tu n'es pas d'accord, tu ne souris pas. C'est ça la base. Il a contredit tous les textes qu'on a étudiés dans ce livre qui prouvent et qui montrent qu'on doit détester les koufars et les innovateurs par rapport à leurs innovations, bien sûr. Et on doit détester ce qu'ils font. C'est pour ça que Al-Hajr, le fait de les boycotter, c'est légiféré comme Ataqaddam. قال ومن زوج كريمته بمبتدع. Sa fille, sa sœur, مهم, une مسلمة dont il est responsable, فقد قطع رحمها. أولا c'est du ظلم. لماذا؟ لأن هذه البنت أو هذه الأخت, cette femme dont tu es responsable, que ce soit une fille, une sœur, tu dois lui choisir le meilleur pour elle. أما لو choisir un مبتدع alors que l'insan il sait que c'est un مبتدع. عياذا بالله بعضهم il regarde que le côté dunya. Il travaille, il a telle fonction et ils oublient ou ils négligent le côté din. فهذا كما قال رحمه الله فقد قطع رحمها. لماذا؟ لأن si tu es à la sunna, ils sont mariés, il est à la bid'a, ça va être très très compliqué بعد. أنت peut-être que tu vas le hajr بحق, peut-être que lui aussi كذلك, et vu que cette femme elle sera sous sa responsabilité, c'est son mari. Tu auras beaucoup de problèmes. Et l'imada, sans parler de l'égarement. L'insan est responsable. Celui qui marie sa fille à un munharif, c'est le père le responsable. Il y en a la fille meskina, elle ne sait pas. Elle ne sait pas, elle écoute son père en général. Ça, c'est min al-khiyana, fil haqiqa. Et la cause principale, c'est ad-dunya. Bardanas, il regarde plus de din. فضفر بذات الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تنكح المرأة لأربع pour quatre choses المرأة son argent, son rang social. Il a agré. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: Fatwar bidati din. Taribat yadak. Hey, choisis celle qui a du din si tu veux réussir. Lakin, vu que beaucoup de gens, c'est par rapport à Dunya, ils ne regardent plus. Rubbama, c'est un soufi, rubbama, c'est un rafidi, rubbama, c'est un munharif, un mu'tazili, qui combat le sunnah. Et les parents, ils regardent sa situation. Ils travaillent. C'est un médecin, c'est un kadakhlas. Bardohum, leur seule question, c'est sur le travail. Il a une maison, il a un appartement, il a une voiture. Et ils pensent au confort de Dunya pour cette fille. Wallahi, cette fille, si elle se marie à un talib ilm. Ou même si c'est pas un talib ilm, c'est un frère qui a la sunnah. Et même s'il n'a pas beaucoup, lakin, ifa, wa yasbir, et il fait des efforts. Et même s'ils ont une vie modeste, inshallah, c'est un énorme bien pour eux. Et c'est un énorme bien pour la fille. Qala, faqad qata'a rahimaha wa man tabi'a janazata mubtadi'a lam yazal fi sakhatillah hatta yarji' intaha ma dhakarahu al-barbahari. Tout ça, l'ulama nahu anha. Le fait de les fréquenter, le fait de se marier avec un innovateur ou de lui donner sa fille ou sa sœur, de suivre leur janaza. Tout ça, a'immatu salafi, ils ont mis en garde contre hada. Qala wa rawa Abu Nu'aym fil Hilya an Abd as-Samad ibn Yazid qala sami'tu al-Fudayl ibn Iyad. سمعت الفضيل ابن عياض رحمه الله يقول من أحب صاحب بدعة من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. تقدم معنا ce genre de آثار أنه من باب الزجر. Et c'est pour mettre en garde contre أهل البدعة. Et c'est pour mettre en garde contre البدعة. Et تقدم معنا كذلك pour comprendre ce genre de آثار أن البدعة تنقسم إلى قسمين بدعة كفرية وبدعة غير كفرية. Il y a des bid'a, ça fait sortir de l'islam. Comme bid'at al-qawl bi khalq al-Qur'an, ou bid'at sab al-sahaba, bid'at al-raf, bid'at ta'til al-sifat, bid'at al-jahmiya. Toutes ces bid'a, ça fait sortir de l'islam. Bid'at al-hulul ou l'ittihad, ça fait sortir de l'islam. Rubbama al-kalam il est mahmoul ala hala, ou c'est, comme a dit le Cheikh al-Fawzan, hafidahu Allah, fi sharh al-sunnah, hala wa'idun shadid, khususan idha kanat al-bid'a mukaffira. Ça, c'est un wa'id. C'est très, très grave. Man ahabba sahib bid'a, celui qui aime un innovateur, ahbat Allahu amala, Allah lui annule ses œuvres. L'échec que s'il aime cet innovateur, et il aime ce qu'il fait, مثلاً, le fait d'adorer autre qu'Allah, bid'at al-quburiyin, ou bid'at al-qawl bi khalq al-Qur'an, ou bid'at al-ittihad, le fait de dire qu'Allah il est partout, ou d'insulter le sahaba, ou de dire que le Qur'an, c'est pas la parole d'Allah. Tout ça, c'est du kufr. S'il aime ces choses, il est à la khatar azim. Qala wa shirkihim aw qala fa innahu qad yastahsin kalamahum wa shirkahum wa kufrahum fa yahbat 'amaluhu wa hadha min bab at-tahdhir. La shak silam al-kufr, c'est très très grave. Hadha ma'na hadha al-athar. Qala wa rawa aydan 'an 'Abd as-Samad qala sami'tu al-Fudayl yaqul idha ra'aita mubtaji'an fi tariq fa khudh fi tariqin akhar. Nasihatun jamila. Ça montre al-inaya bis-sunnah, le fait de préserver as-sunnah et ahl-sunnah, et كذلك ان الانسان يخاف على نفسه. On n'est pas à l'abri. Fa idha ra'aita mubtadi'an fi tariq, si tu le vois مثلاً sur un chemin, si un autre chemin, tu prends l'autre chemin. Min bab as-salam. Pas parce que l'insan il a peur ou parce qu'il a pas de courage. Abadan. Madhhab as-salaf, on préserve notre din. Et ça montre qu'un sunni doit s'écarter de la curiosité. Les gens ne veulent parler que par curiosité. Un sunni, il fait attention à ne pas rentrer dans des choses qui ne le concernent pas. Min husni islam, al mar itarkuhu ma la ya'ni. Fait préserve ton din, akhil karim. Et hada, on le répète comme dans le dars précédent, à notre époque, kadalik. S'il y a des munharifoun dans un salon, dans tel réseau, dans telle application, il ta'id, ya akhil karim. Reste avec tes frères à la sunna. Profite du ilm, fais des efforts. Amma, se mélanger, c'est khatir jiddan. Falihada a'immatu sunna, qadiman, wa hadithan à notre époque, da'iman ils appellent au tamayyuz. Et on a fait une kalima bihada, au tamayyuz. Le fait de ne pas se mélanger à eux. Kadhalik at-tasfiya, wa at-tarbiya. Tasfiya c'est muhim. Tasfiya, le fait de safier quelque chose, c'est de le nettoyer. Ne pas se mélanger. Al-bid'a, c'est que de la saleté. Ahlul bid'a, ils ont du shur. قال وروى أيضا عن عبد الصمد قال سمعت الفضيل ابن عياض رحمه الله يقول من أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام كما تقدم لأن البدعة ça contredit les textes. Ça peut être une bid'a qui contredit l'islam, une bid'a couvrière, ça peut être une bid'a le mubtadi', ça reste un musulman, lakin la shak que cette bid'a, si elle se propage, enfin, les gens ils vont penser que c'est l'islam, alors qu'elle contredit des textes. قال وسمعت رجلا قال للفضيل من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها تقدم قال سمعت فضيلا يقول نظر الرجل إلى الصاحب بدعة يورث العمى أي عمى البصيرة والقلب كما نبه على ذلك العلامة الشيخ البوزان حفظه الله في شرح السنة يورث العمى العمى c'est le fait d'être aveugle هنا c'est pas la vue là c'est عمى القلب والبصيرة اتأمل قوله نظر الرجل le fait de regarder là je sais que celui qui voit un mubtadi passer le regarde ça va pas Ça ne va pas le rendre aveugle, là où il va perdre son ilm. Là, attention de ne pas vouloir rentrer en contact, vouloir se mélanger, vouloir apprendre, le fait d'être impressionné. Là, même le regarder, le mot, il n'y a pas de hajat, tu n'as même pas besoin de le regarder. Fais tout pour t'écarter de lui. C'est ça, salam. Mais ben, look, ceux qui rentrent dans des... À notre époque, on revient toujours à hadil fitna al-azim, les réseaux sociaux, les comptes, les salons. Comme on a cité l'autre coup, Bardel Ikhwan, ils écoutent des munharifat, comment ils envoient des messages? Il a dit ci, il a dit ça, c'est très très grave. Et là, je sais que tellement que certains kalam c'est grave, ça touche le cœur. Là, qu'il n'achète pas à l'abri. Ça touche le cœur, et Imin Hayt, c'est très très grave ce qu'il dit. Donc les frères, ils veulent des redoutes. Et pourquoi on le laisse parler? Personne ne parle. Si on suit Madhab Salaf, on n'a pas besoin de Hada. On n'a pas besoin. Tu ne peux pas répliquer à tout le monde comme on a dit. Et Aslan, qui c'est qui a autorisé de l'écouter? Non, celui qui a du ilm, il a le droit. Il a le droit de l'écouter, mimbab, rab, la chèk. Et de lire leurs livres, la chèk, là, c'est permis. Aux savants, aux certains étudiants qui ont le qudra, ils écoutent un munharif et yaroddoun, la base, pour faire profiter les autres. Amma, celui qui n'a pas le qudra, il écoute, summa, il te dit rad. Et s'il n'y a pas le rad, tu fais quoi? Peut-être que certaines choses qu'il a dit, c'est vrai, tu penses que c'est faux. Peut-être que certaines choses, c'est faux, tu penses que c'est vrai. Fahadala, la yajouz. Le fait de les chercher ou d'écouter, tout ça, c'est, ça contredit هذا المذهب هذا المنهج العظيم. قال وسمعت الفضيل يقول من أتاه رجل فشاوره فقصر علمه فدل على مبتدع فقد غش الإسلام. Celui qui conseille les autres d'écouter certains munharif. Ça nous montre, Anna, même si tu veux conseiller quelqu'un, il faut du ilm. Bardana, si t'envoies un audio, lui, il est bien. Ou oh, écoute, mashallah, c'est pas mal. Moi, tu te renseignes, c'est un munharif. Même qu'Allah, annahu, il est bien, même. Où il a étudié, d'où il vient. Avec qui il s'assoit, il fréquente qui. On fait attention. Bardana, si retarrouna les couvertures des livres, ou la voix, ou l'audio, ou mashallah, il a expliqué tel livre. Ou mashallah, dans son cours, il a dit, Cheikh Foulan, il a dit. C'est pas suffisant, hein, là. Surtout à notre époque. Ulama al-Sunnah ma'roufoun. Et nous, on conseille d'aïman al-Ikhwa, revenez à Ulama al-Sunnah. Faites attention, hein, des prêcheurs tous les jours. Des milliers de doros qui se propagent. On ne dit pas par jour, hein, Obama par heure. Ah, fais attention, reste avec le wadih. Reste avec les choses claires. Khas, certains ceux qui comprennent l'arabe. Ceux qui comprennent l'arabe. Alhamdulillah. Ulama al-Sunnah, mawjoudoun. Et. Leur ilm, leur livre, leur durus mawjoud. Enfin, on n'a pas besoin de s'éparpiller hakada. قال رحمه الله وروى ابو نعيم ايضا عن عبد الصمد قال سمعت الفضيل يقول لئن اكل لان اكل عند اليهود والنصراني احب الي من ان اكل عند الصاحب بدعه فإني إذا أكلت عندهما أي عند النصراني أو اليهودي لا يقتدى بي وإذا أكلت عند صاحب بدعة اقتدى بي الناس هذا مثال كلاسيتي رحمة الله عليه أنه vaut mieux s'asseoir manger avec un juif ou un chrétien qu'un مبتدع منحرف لماذا؟ Ça ne veut pas dire que c'est permis et que tu vas manger avec un يهودي un نصراني خاصةً si c'est pas pour da'wa, il y a pas une maslaha comme on a cité au début du livre. لكن هذا c'est pour montrer أن لا شك اليهودي النصراني ils sont pires que un mubtadi' si c'est un muslim. Si c'est un muslim, ça reste un muslim, il est mieux qu'un juif et un chrétien. لكن هنا الكلام il est في الأثر. Ce muslim, s'il te voit avec un juif ou un chrétien, Rubama, il va te réprimander. Khasatan, si c'est pour une chose dont tu n'as pas besoin. Amma, avec le munharif, s'il te voit, mais, il va croire qu'il est à la haq. Khasatan, si Hadal Insan, il est une manzila. C'est un savant, ou c'est un imam, ou. Le nas, ils vont penser, vu qu'il parle avec lui, il mange avec lui, il rit, il a agré, c'est qu'il est bien. Al-yahada, al-insan, yahdar. Et on répète, kadalik al-maslaha al-azima, ton cœur. Même si les gens, personne te voit, anta, est-ce que tu es à l'abri? قال رحمه الله أحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. نعم حصن من حديد. S'il pourrait entre lui et l'innovateur il y a une barrière, il y a un mur. فالحمد لله. هذا كلام الفضيل. لأن هؤلاء ils pensaient beaucoup à leur dîn. Ils savaient que c'était une ni'ma عظيمة. Et ils détestaient le bid'a. لماذا؟ لأنهم donnaient de l'importance au Coran et à la Sunna. أما l'époque où on vit الآن لو بعض الناس يسمعون هذا الكلام sur certains مبتدعات de notre époque. Mais pourquoi c'est un musulman, c'est un kada, pourquoi vous faites de la médisance, pourquoi vous critiquez toujours les autres, pourquoi? لماذا؟ لأن il y a des faiblesses في تعظيم القرآن والسنة. Il se poserait d'autres questions. Pourquoi cet innovateur il dit telle chose? Pourquoi il égare les gens? Pourquoi il suit pas le Coran et le Sunna? Pourquoi il reste pas à sa place? Ça irait mieux. Lakin, iyadan billah, ha'oula, ils ont de la rahma beaucoup envers Ahl al-Bid'ah. Et ils ont de la shidda envers ikhwanihim Ahl al-Sunna. Pourquoi? Ça revient à la base. Ta'zim al-Quran wa al-Sunna il est da'if. C'est pour ça que ça se mélange. Qala, wa amalun qalil. في سنة خير من عمل صاحب بدعة في سنة. نعم وعمل قليل في سنة خير من عمل صاحب بدعة. لا شك لأن البدعة سي با اكسبتي. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا سي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. Celui qui fait une bid'a, son œuvre n'est pas acceptée, elle est rejetée. Enfin, vaut mieux faire qalil et appliquer sunna que beaucoup et al-bid'a. Al-iqtisadu fi sunna khayrun min al-ijtihad fi al-bid'a. Kama qala ibn Mas'ud ou ghayruhu radiyallahu anhum. Qala wa man jalasa ma'a sahib bid'a lam yu'ta al-hikma taqaddam. Wa man jalasa ila sahib bid'atin fahdharhu. Wa sahib bid'atin la ta'man. Naam. وصاحب بدعة فاحذره وصاحب بدعة لا تأمنه. نعم كان هو صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه. هذه نصائح جميلة. احذر من صاحب البدعة celui qui fréquente le مبتدع. S'il le fréquente فربما c'est qu'il est comme lui. S'il ne sait pas bien sûr ينصح ويعلم et on lui montre. وصاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك. صحيح. هؤلاء ils ont de la khiyana. Ils ont de la khiyana et ils ont du makr. Et comment tu vas lui demander des conseils et revenir à lui alors qu'il délaisse sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. ربما يطعن في أهل العلم. Il critique les savants. ربما il critique les gouverneurs. ربما il te critique أنت en tant que sunni. ثم lui demander des conseils ou revenir à lui. المبتدع il ne faut pas lui donner... Faut pas lui donner ce rang. Là, on veut son khayr, on lui fait du'a. Mais on s'écarte de leur char et on fait attention. قَالَ وَلَا تَجْلِسْ إِلَيْهِ فَمَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ وَرَّثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ الْعَمَى تقدم أي العمى في البصيرة في العلم. وَإِذَا عُلِمَ مِنْ رَجُلٍ أَنَّهُ مُبْغِضٌ لِصَاحِبْ بِدْعَةٍ رَجَوْتُ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ لِأَنَّهُ سَعَمَلْ صَالِحٌ كَمَا تقدم معنا dans notre درس. اسم الغفور أن من أسباب الغفران العمل الصالح. Et le fait de détester البدعة المبتدع الكافر والكفار c'est من أسباب المغفرة. فلهذا قال الفضيل et ça montre son fiqh رحمة الله عليه وإذا علم من رجل أنه مبغض للصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له. إن الحسنات يذهبن السيئات. C'est une حسنة عظيمة. C'est un عمل صالح. العمل الصالح bien sûr c'est une cause pour qu'Allah pardonne. قال وإن قل عمله فإني أرجو له لأن صاحب السنة يعرض كل خير وصاحب البدعة لا يرتفع له إلى الله عمل وإن كثر عمله أي أن البدعة لا تقبل لأن من شروط قبول العمل pour que العمل soit accepté كما تقدم معنا كثيرا la sincérité bien sûr الإخلاص et متابعة النبي صلى الله عليه وسلم le fait de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام قال وسمعت الفضيل يقول إن لله عز وجل ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكون مجلسك لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله تعالى لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وهم ينهون عن أصحاب البدعة فسمن من نقولات الإجماع في هذا الباب أنا بستي كلام الصابوني رحمة الله عليه الإمام أبو عثمان الشيخ حمود رحمة الله عليه لستي كلام الصابوني على فن هنا كلام الفضيل رحمة الله عليه وأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة أي tous les imams qu'il a rencontré من أئمة السنة ينهون عن أصحاب البدع ils mettent en garde contre أهل البدع فpréserve ton دين أخي الكريم préserve ton din khassatan à cette époque. Ikhtalata al-khayr wa ash-sharr dans beaucoup d'endroits, ça s'est mélangé. Fais attention. Wal khayr mawjoud walillahi alhamd. La tazal ta'ifatun min ummati 'ala al-haqq, hakadha qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Préserve ton din et occupe-toi avec l'ilm. Si tu t'occupes avec l'ilm, fa bi'idnillahi 'azza wa jall tu connaîtras la valeur de la sunna et tu connaîtras la valeur des gens de la sunna et tu connaîtras la gravité de l'bid'a et la gravité de l'ahle l'bid'a. Et fais attention, ne pense pas que tu es à l'abri. Le shaitan il te pousse. Je vais faire da'wah, je vais leur montrer. Là, notre niveau il est très faible vers l'ilm. Tu compares à salaf, le niveau il est très très faible. Là, il y a rurraka shaitan. Anna, tu as appris un livre, tu connais une ou deux mas'ala, tu as lu, tu as écouté. Khalas. والله ils ont des bid'a et ils ont des shubah khatira جدا. قال رحمه الله وروى أبو نعيم أيضا عن عبد الصمد قال سمعت الفضيل يقول من علامة البلاء أن يكون الرجل صاحب بدعة. أي نعم من علامة البلاء. البلاء c'est الشر. C'est une مصيبة. C'est une catastrophe que l'insan s'assoit صاحب بدعة. لماذا؟ لأن صاحب البدعة il est على خطر عظيم. Si c'est une bid'a kufriya, ayyadun billah, c'est très très grave. Comme bid'at al-rafd, bid'at al-jahmiya, al-hulul, etc. Et si c'est une bid'a, même si elle n'est pas kufriya, c'est très très grave. C'est min al-bala. Wa min al-bala annahum yajtahidoun, et ils font des choses et ce n'est pas accepté. Ça c'est un bala azim. Ba'd al-mubtadi'a, leur vie, ils l'ont consacré à la bid'a. Et l'amal, il n'est pas accepté, indallah. Tant que c'est une bid'a, ce n'est pas accepté. Amma la personne, Allahu a'lam bihale. لكن البدعة سبع أكسبتي على كل حال قال وروى أبو الفرج ابن الجوزي ورحمه الله بإسناده إلى سفيان الثوري أنه قال من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة أساس فائدة من سمع من مبتدع لم ينفعه الله donc pourquoi l'écouter s'il y a aucune فائدة d'écouter مبتدع pourquoi l'écouter il y a qu'un cas où il peut être écouté le mubtadi, c'est celui qui a la capacité de répondre. Bien sûr, pour répondre, il faut bien qu'il écoute. Enfin, celui qui n'a pas la capacité, il est mal à l'écouter. Khassatan, on a un va'f sur le fait d'écouter, de fréquenter l'ulama, etc. Enfin, il est mal à perdre notre temps avec ha'oula. قال وروى أيضا بإسناده إلى الفضيل ابن عياض أنه قال من جلس إلى صاحب بدعة فاحذره. وروى أيضا بإسناده إلى الفضيل أنه قال من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه تقدم قال نعم هذا on l'a déjà lu فنقرأ pour finir قال وروى أيضا بإسناده إلى الفضيل أنه قال إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر ولا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عز وجل عمل ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له سيئاته فهذا تقدم ولله الحمد نكتفي بهذا إن شاء الله le prochain درس on essaiera que ce soit le dernier cours بتوفيق الله عز وجل